se lève, sourire aux lèvres, soleil éclaire les ténèbres et ses élèves, les guerriers de la lumière, ceux qui cherchent la liberté là où il y a la guerre. Ils donnent d'oxygène à ceux qui manquent d'air, des oasis dans nos déserts de vérité, ici pour la communauté, pas pour en faire leur consort. Jusqu'à la mort, leurs paroles et leur silence sont d'or. Ils savent qu'un jour ils changeront de corps. Que de l'amour, il y en aura encore et encore. Encore et encore. Oh oh. Ils pratiquent le lâcher prise. Sur eux, le monde n'a plus d'emprise. Ils ne succombent plus à leurs désirs. Aujourd'hui, ils les choisissent. Ils savent qu'en étant possessifs, l'amour devient dépressif. Perdu dans les flots de l'ego, l'esprit s'en va à la dérive. Leur sabre, l'amour. Au Verbère et Coelho, de l'humanité ils allègent le fardeau, leurs corps et âmes ils l'offrent en cadeau, car l'abondance vient du Très-Haut. Ils savent que l'or et l'argent ici ne valent rien. La ilaha illallah.